Ah, ça fait du bien de prendre un peu de bière, Yoda. La bière est le chemin du côté obscur de la force. Je suis un petit bonhomme tout véreux, avec de grandes oreilles d'elfe. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je m'appelle pas Link, mais mon nom c'est Yoda, je te dis. Je suis un Jedi de 30 cm qui connaît un peu le sabre laser. Mais je te laisse surtout la force, car la force est trop avec moi. Yolé, yolé, yolé! Yolé, yolé, yolé! George Lucas me laisse pas chanter, je laisse Max en charger! Je suis Yoda, le Jedi alien, je suis vieux et je suis gatouille. Faudrait pas que je me gratte les... Je suis Yoda, le Jedi alien. Un jour, je tuerai Jar Jar Binks. Missa pas d'accord avec lui-ci. Hum